Salut, ici Josiane Paradis, porte-parole d'UQAM en spectacle. Je t'invite à la 5e édition de l'événement, un show d'une diversité à brûler les planches et qui va t'en faire voir de toutes les couleurs. UQAM en spectacle, c'est le show à ne pas manquer le vendredi 12 mars prochain au Lion d'Or. C'est l'occasion de découvrir les talents cachés de nombreux artistes étudiants à l'UQAM comme toi. UQAM en spectacle, c'est le vendredi 12 mars au Lion d'Or. En collaboration avec l'AFELC, le service de la vie étudiante de l'UQAM et Choc FM. Écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir, ce soir c'est la fête à Danny Daniel Gabriel et je lui ai composé une très belle chanson. Ça s'appelle Danny Daniel, c'est ta fête. Danny Daniel Gabriel, c'est ta fête. Puis c'est pas mal comme ça à chaque année. C'est ta fête. Puis cette année on s'en va pas t'oublier. C'est ta fête. Puis je sais pas quel âge tu vas avoir. C'est ta fête. Mais c'est important de t'aimer. Tu le savais-tu que ta fête tombait en même temps que celle de Johnny Knoxville? Johnny Knoxville, j'espère que tes affaires vont bien aller, Johnny Knoxville. Parce qu'en frais de Jackass, y'est pas mieux que toi, Johnny Knoxville. J't'ai bien aimé dans le Régneur, Johnny Knoxville. Un Christ de bon cascadeur. Et voilà, bonne fête, Danny Daniel Gabriel. Vous êtes à 70 pour... ça. Avec un personnel réduit. Faut préciser que la fête de Danny Daniel, c'était le 11, en fait. Oui. On est un petit peu en retard, mais ça a été une grosse semaine, et puis, ben, c'est le lundi suivant. Voilà. Voilà. 11, comme le nombre de joueurs d'une équipe de soccer. Exactement. 11, parce que des fois, c'est ça que ça fait 1 plus 1. Comme à toutes les fois qu'on est plusieurs à se gratter. 11 gratte. Bon. OK. Ouais, c'est un on inclusif. Hey, c'est 70%. Tommy Godette au micro. Trame sonore de fond, c'est les Contracteurs Généreux, un band local qui était venu nous parler à un moment donné. Ben oui. Le film qui a été voté, c'est l'excellent L'Ascenseur de Lift, un film hollandais. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me nommer un autre film hollandais? La Henneken? La crème? La crème, oui, c'est ça. En fait, moi, je connais juste Le Festin de Babette comme autre film. Ah, c'est hollandais, ça? Ouais. Ouais, ben. C'est quand même assez le contraire de ce qu'on va voir ce soir. Ah, c'est un film où on mange des babettes. Non, c'est vraiment un bon film, je pense. Ouais, Le Festin de Babette, ça donne à réfléchir. Ouais, c'est j'en ça. Ai vu un l'autre jour, mais je pense que c'était une coproduction Hollande-France, mais c'était The Vanishing. Oh, ça compte. Ah, ouais. On le prend. Vous avez reconnu Evelyne Potvin-Coutier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Evelyne? Ben, un petit peu de tout, là. On va jaser de la fin de semaine. Puis je vais vous lire un petit peu de Normal Amour. Puis je vais vous donner l'eau à la... à la bouche avec le livre de Annie Dufresne sur lequel je suis tombée à Chicoutimi. Je pense que je vais vous lire le début du chapitre 7. Ouais, ouais. Boy, ça va être ça. Il y a Bruno Corbin qui vient de sortir d'en dessous de la table. T'es occupé à combattre les démons qui habitent l'endroit infernal. Non, okay. Je comprends pas pourquoi je suis en retard. Je suis parti à la même heure que la semaine passée. En fait, c'est qu'il chassait les gratteux d'en dessous de la table. Ouais, ça se peut. Et toi, Israël, tu vas nous parler de quoi? J'ai chanté la fête de quelqu'un d'autre et j'ai deux belles lettres, vu qu'on est pas beaucoup, je vais avoir le temps de lire les deux. Et voilà, une c'est... adressée à Simon Predge, d'ailleurs. Oh! Puis moi, j'ai préparé des trames sonores un peu différentes que la toune de Love Story pour mettre pendant que tu lis tes lettres. Ça va faire un petit peu changement. Et voilà! Tu vois qu'on est en train de patcher tous les trous, hein? Oui. Toi, Bruno, tu vas nous parler de quoi? Des affaires, là. Je me suis commandé un sac à laptop, là, par Internet. Là. Ben ouais. Ouais, je vais recevoir ça par UPS, là, bientôt. Ah, puis en attendant, tu prends pas le mien que je t'ai prêté, c'est beau, ça? Ouais, non, mais c'est parce qu'il fait pas mon ordi dedans, finalement. Ah, tu me le ramèneras un moment donné. Moi, je vais te le ramener. J'aurais dû faire ça aujourd'hui, en fait. Mais ouais. Tu vois comment que c'est ça. Voilà, on réglerait le sale à la radio. Hey, moi, je pense qu'on va commencer ça solide. Ça va être le thème d'intro de She-Ra pour commencer l'émission. She-Ra qui était l'équivalent féminin de He-Man. De He-Man? Ouais, He-Man. Hey, on est à 70%, ça va être solide. Restez pas trop loin. Là. Pas trop. Hey, c'est qui a pété ça? Ça se passe. Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Faut que je chante ton indicatif, c'est ça qui se passe là? Ouais. Vous écoutez Tien Champion qui fait une tune country à 70%. Il aime pas bien ça, être ici, il sent mal. Il sue un peu des ponts. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Deux ristournes brillants de verre contenant chacun un esprit ou un fantôme ont été vendus sur eBay cette semaine. Attends un peu, il y a quelque chose que j'ai pas fait encore. OK. Deux récipients de verre contenant chacun un esprit ou fantôme ont été vendus sur eBay cette semaine pour la somme de 2830$ néo-zélandais. Ça équivaut à peu près à 2830$ canadiens. Les fantômes ont été mis en vente par Avi Woodbury de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Elle affirme qu'ils ont été capturés dans sa maison suite à un exorcisme, puis placés dans les contenants de verre scellés et trempés dans l'eau bénite, ce qui assoupit l'énergie de l'esprit. L'un des esprits serait celui d'un vieillard qui a habité la maison dans les années 1920, et l'autre celui d'une petite fille dérangeante qui est apparue suite à une séance de Ouija. Woodbury affirme que les profits de la vente seront envoyées à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux après avoir payé les frais d'exorcisme, bien sûr. Ouais, les frais d'exorcisme. Combien ça coûte ces temps-ci, un exorcisme? Je sais pas. D'après moi, en dessous de 2830 néo-zélandais. Fait que là, on se retrouve. Ça dépend quel exorciseur que tu prends, tu sais. Ouais, il donne avoir des meilleurs. Il est tremblé au coin de la rue. Lui, il charge pas cher. Il y a des bons deals, là. Mais si tu veux quelque chose de qualité, il faut que tu ailles sur Saint-Laurent. Fait que c'est quoi, mettons, on est à 1415$ le fantôme ou il y a eu un package deal pour les deux? Ah non, non, mais ça, c'est le prix qu'ils ont chargé sur eBay, tu sais. Ouais, mais ouais, après ça, je pense qu'elle a dit qu'elle va en donner à une société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Fait que d'après moi, 50$ la tête, moi. C'est pas plus que ça. Fait qu'à on sait qu'un fantôme, ça vaut 1400$. Ça dépend si t'as un nid dans ta maison, tu sais. Mais faut que ce soit un fantôme legit, là, tu sais. Hein? Ouais, ouais, ça vienne avec un pedigree pis tout, là. C'est pas un bâtard. Tu saches tout l'historique des parents du fantôme. Ouais, c'est ça, exactement. Attends, as-tu une autre? Ah, ben, on peut y aller. Ça solide. D'accord. Belinda Wade, 21 ans, était allée à l'hôpital plusieurs fois durant les derniers mois et affirme que les médecins avaient diagnostiqué un cas sévère de colon irritable. Le mois dernier, chez ses parents, elle a commencé à avoir des contractions. Sa fille, Louise Boyle, 8 livres, 14 ans, s'est née dans la maison sous les yeux ébahis de sa famille. On lit ce genre d'histoire dans les magazines, mais on ne croit pas qu'elles arrivent à de vraies personnes, a affirmé Wade. Seulement des fausses personnes. Seulement des fausses personnes, voilà. L'hôpital n'était pas disponible pour fournir des commentaires. Attends, elle savait pas qu'elle était enceinte? Non. Fait qu'elle s'est fait diagnostiquer colon fragile et elle a accouché. Elle a accouché d'un enfant. Ah, elle doit être belle, cette madame-là. Pour vrai, là, c'était même pas si pire. Eh boy, silence. Voilà. Parce que j'en avais déjà eu une nouvelle comme ça d'une madame qui avait accouché sur le plancher du McDonald's ou équivalent à un moment donné, mais elle, c'était une grosse madame. Comme celle qui est sur ton mur, chez vous, Tommy. Ouais, ouais. Surprise, un bébé. Surprise, un bébé, oh mon doux. Aïe, ben c'est weird, ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. On va y revenir plus tard. Merci bien gros, Bruno. Un plaisir. J'aime bien ta tune thème. Ouais, moi aussi. Ça sonne pas, hein. Ça s'en vient bien, là, l'enchaînement. Ouais, ouais, ouais. Là, il a manqué ton. Ouais, c'est ça. Il aurait manqué juste ça, je pense, puis on était parfait. La semaine prochaine, on va l'avoir. Puis toi, Evelyne, t'es-tu game de nous lire un petit peu de Normal Amour tout de suite? Drette là? Ben oui. Si, on a trouvé un extrait savoureux à la page 7 tout à l'heure. Ouais, ouais. À la page 5, petit extrait. Ce sera pas long. Écoutez bien. Sa mère s'appelait Rosanna Blais. C'est pas vraiment là. On la salue. Et puis, oui, parce que la phrase commence par « et puis ». D'accord. Juste avant, il est en train de raconter que dans ce temps-là, on se séparait pas souvent. C'était pas la mode de se séparer. C'était la mode de tout endurer. Ouais. On était plus tolérants les uns envers les autres. Hein. C'était d'autres mœurs. Oui. Les temps changent, ça fait moins ennuyant. Et puis... Pardon. Quand je suis venue au monde, ma mère m'a dit, vers l'âge de 7 ans, quand j'avais 7 ans, pas ma mère, quand elle avait 7 ans, mais moi, quand j'avais 7 ans, m'a dit qu'elle avait beaucoup d'eczéma sur les mains. Voilà. Je pense que ça méritait d'être dit à la radio. Ça. C'est quand même une nouvelle. Moi, je ne catche pas trop encore. Là. Je sais. Pourtant, c'est super clair. Il est fabuleux. On est revenu par le Madrid en revenant de ouais, Québec. Nous autres et tout. Aussi, on est revenu par le Madrid là, depuis, en revenant de Rimouski et tout. Hein. Ça fait un bout. Là, il n'était pas là, nous autres. Non, mais il n'est plus là. Il n'est plus là jamais. Il est là en image, par contre. On le sent hanté beaucoup d'endroits avec son gilet des Canadiens et souriant sur plusieurs photos. Ouais. Ouais. Il y a la famille de poupées creepy aussi là, qui ne bougent plus, eux autres. Avant, ils bougeaient. Ils bougeaient, ouais, hein? Avant, ils bougeaient la tête ou les yeux, là, je me rappelle plus. Ils ont fait peur tout le long du monde. Ouais, on était assis en face, hein, ils nous regardaient avec leur... Le vieux barbu, il avait l'air de me désirer étrangement. Puis Evelyne s'est fait dire l'avenir par Zoltar. Ouais. Il marchait, toi, moi, quand j'étais allé l'autre fois, il marchait pas. Il était-tu branché? Non. Mais moi, il faut que tu fasses attention quand il est pas branché, parce que... Mais moi, je pensais qu'il fallait qu'il soit pas branché pour que ça marche, comme dans Big, là, avec... J'ai rien fait pantoute. Tu sais, qui joue du piano en marchant dessus, là, puis là, il devient l'ami du boss de la compagnie. Fait que là, vu que lui, il a l'enfant de cœur de 12 ans, il est capable de faire des jouets. C'est tellement beau. Oui, c'est ça. En passant, si vous voulez voir Normand Lamour, maintenant, il faut aller le voir à Boulevard Musique 163 Fizet à Sorel-Tracy. Ah ouais, c'est J3P3P3. Je suis passé par là vraiment pas, là, vraiment pas longtemps en plus. C'est là qui se tient à ce temps. Je sais pas exactement pourquoi. Mais on se demandait. Je pense que son gérant il est dans ce coin. Ben, c'est le magasin à son gérant, mais pourquoi tout à coup il va là? Parce que le gérant, ça fait longtemps que ce magasin-là, fait que pourquoi il est plus au Madrid? On se demandait si c'était fait mettre dehors du Madrid ou s'il avait décidé d'aller là à la place pour une autre raison. Mais il fait vieux aussi. Il n'y a pas de photo de Normand Lamour au Madrid non plus. Ben oui, ben oui. Il y en a une? Mais pas de lui tout seul, mais tu sais. Avec la serveuse. C'est avec... ça, avec Sébastien Ricard, là, avec d'autres superstars. Avec Sébastien Ricard. Ah ouais, ben il n'y avait pas Normand de photo. Normand puis Sébastien ou tout ça? Non, c'était juste en haut. OK. Mais non, c'est bon. À côté, à côté. Il était juste en haut. Bon. D'ailleurs, il n'est pas là, Sébastien Ricard, aujourd'hui. Non, mais on a eu la confirmation qu'on avait le droit de l'achaler pour qu'il vienne au show comme on voulait puis qu'il s'excusait bien gros puis tout. Puis que peut-être qu'il n'allait pas revenir une autre fois. Non, cette fois-là, il a dit qu'il était pour revenir. Ah ouais? Au moins, comparativement aux autres fois, où il avait dit, ben finalement, je vais vous niaiser pendant dans 3 semaines, mais je ne viendrai pas. Ça ressemble à ça. Mais au moins, on s'est fait payer. On a pu mettre une coupe de calvados sur son bill. Fait que... Ah, ça, c'est bon, ça. Catché. J'ai pas vraiment vu la couleur de ces calvados-là encore, mais bon. Non, mais on s'en est occupé. Payé au suivant. Sinon, dans un autre ordre d'idée, vous allez être fiers de nous autres, les gars, parce qu'on est revenu par Tadoussac. Puis quand tu suis la Côte-Nord en descendant, ben tu peux passer à Baie-Saint-Paul. Et qu'est-ce qu'il y a à Baie-Saint-Paul? Qu'est-ce qu'il y a à Baie-Saint-Paul, Bruno? Moi, je sais. C'est parce que j'étais pas là au début de l'émission. Il y a décoration Linda Tremblay, la compagnie Tremblay et Tremblay dit décoration. Qui est un magasin qui se veut coloré. Étape. Hey! Je vendais des rapalas, des crayons tirs. Oui, oui, parce qu'on a juste pu voir par les fenêtres, mais par une fenêtre, je regardais, il y avait des rapalas qui dataient de l'avant-guerre, juste à côté de la peinture Sico, entre deux caisses de moulure. Hein? Et voilà. Fait que, des moulurations. Ils vendent même des verres chez l'indicorisation Linda Tremblay. Il y a tout. Des appâts là, pour la pêche. Ouais, des rapalas, c'est des appâts pour la pêche. Les rapalas, c'est les couteaux. Non, c'est les clés là, avec deux, trois crochets. Ouais. Les petits faux poissons, ça, c'est un rapalas. Ah ouais. Les cuillères, là. Ça peut servir d'élément décoratif, si tu veux, dans le fond. Mais peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes coachs de pêche aussi. Ouais, c'est ça. L'important, là, c'est que il y avait des appâts de pêche juste à côté de décoration, des affaires de décoration. Juste à côté de moulure et de peinture Sico. Surveillez nos comptes Facebook, tout le monde. On va tout avoir une photo en avant de la porte d'entrée avec le logo. Je suis tellement jaloux, là. Moi, ça fait longtemps que je vais aller là. Il y a un de mes amis qui voulait que je parle du 7e continent à la radio. Tu sais, le continent de déchets et de ramassis de toutes sortes. Ben, moi, je pense que c'est pas loin. C'est là. T'en as parlé, là. Le 7e continent. Puis aussi, on est allé parlant de Facebook. Ça me fait plaisir d'annoncer à tout le monde que la place du royaume de Chicoutimi est sur Facebook. Oh. Il y avait ça, c'est le centre d'achat. Là-bas, on est débarqué. On est allé manger à la cafétéria. Et puis, sidération, là, pour vrai, là, il y avait une porte là, juste à côté des toilettes, en arrière des magasins. En arrière des restaurants. En arrière des restaurants, oui. Et l'autre bord de la porte, ben, c'était une chapelle. C'est la chapelle de la place du royaume. Ça veut dire que pendant que le curé faisait son office, là, à moins de 50 mètres en ligne droite, il y avait un comptoir McDo. Et puis, t'avais une porte à franchir sans jamais sortir dehors pour te ramasser dans un temple de consommation. C'était de toute beauté. J'ai jamais vu ça. C'est la place du royaume des cieux, donc. La place sur Facebook. Et puis, on va se garder la tabagie CM pour plus tard. Ah oui, il faut parler de tout notre voyage. Au complet. Moi, je suis allé à Rivière-du-Loup, puis j'ai vu l'Indien, qui est une face d'Indien, comme à grand-mère, mettons, là, dans une roche, mais en plus petit. Sauf que les autres, ils ont décidé de la dessiner pour être sûr qu'on sache que c'est un Indien. Ah, yeah. Puis aussi, j'ai vu Loupi, la mascotte du motel Loupi, je crois. Quelque chose de genre. Qui est un espèce de gros loup. Il faut le voir, là. Écoute, il a l'air super déprimé. Parle-nous de photos puis de Facebook, moi. Puis, photos, il y a du monde qui met ça sur Facebook. Puis, Non, mais t'as pas pris de photos avec. Moi, j'ai pas pris de photos, mais écoute, c'est sûr qu'il va y en avoir. Loupi. Écoute, vous avez juste à aller chercher Loupi sur Facebook. Puis, j'ai vu aussi le Noël au château. Ça, c'est assez capotant. C'est une espèce de parc d'attractions. Ouais. OK. Mais à peu près grand comme le studio. OK. Puis il y a un château. Imaginez le studio à la maison. Oui, imaginez le studio, tout le monde à la maison. C'est à peu près trois fois grand comme votre chambre à coucher. C'est ça, c'est plus grand que celui qu'on avait sur Sainte-Catherine. C'est ça. Puis, c'est à Rivière-du-Loup aussi. Puis il y a une espèce de. Oui, à Rivière-du-Loup, il y a une espèce de gros château fait en carton. Puis tu peux le réserver pour aller passer Noël là, si tu veux. Puis, wow. Tu l'as-tu réservé? Non, mais écoute, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ah oui? Tout monter à Rivière-du-Loup. Tout monter à Rivière. Ben, c'est pas loin, Rivière-du-Loup. Ben non, hein, c'est comme 4 heures d'ici, ouais. À peu près. Ça, c'est une distance, ça. Oui, une distance, 4 heures. Puis là, l'émission finit dans 5 km, on va se dépêcher. <C'est vrai. rire> Ça marche pas dans ce sens-là, c'est bizarre. Ben, ça marche quand tu es à Actarus dans le robot, là. Dans son Goldorak. Ouais, ouais, c'est ça, là. Non, non, c'était Googie Boogie, là, qui était à plus. Ah oui, Bouboulougou. Bouboulougou. Ouais, ouais. Que lui, qui nous aimait. L'extraterrestre qui avait 3632 années-lumière. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui avait un gros cul, là. Ouais, ouais, c'est assez gigantesque. Je peux bien parler à l'envers. Hey, avant de poursuivre dans l'émission, je pense que je vais mettre une petite toune tranquille pour nous faire relaxer. Puis après ça, ça va être toi, DJ, t'as sent bien? Ah oui, je la sens tellement. T'as sent bien. Toi aussi, tu vas la sentir. Tu vas voir. Ah oui, c'est sûr. On va écouter les Melvin et puis Jukebug. June la semaine Bug. Passée, les femmes en cage en passant. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est... Moi, je reste accroché. C'est parce que c'était bon. Ouais. Oui. Mmh. J'ai trouvé la queue qu'il me faut. Je vais me faire bourrer toute la journée. Fabuleux. Ok, on écoute les Melvin, Junebug, on revient à 70 pour ça. Moi, je pouvais pas l'écouter, ça m'excitait trop. Ça m'engage. Oui. Wow. C'est quelque chose. Alors, on en a déjà parlé à l'émission ici, mais je l'avais jamais fait jouer. Tu es. Identifier la cause. La crise du verglas. Et voilà, avec James Caillafield. l'un pour l'autre, Verglas 98. Ah, oh, c'est la compile que Claude Rajotte, il bâchait sans c'est ça. Retenue. Exact. Je pense que j'ai le clip aussi. De que Paul Sarrazin défendait. J'ai la critique de Paul, de l'autre, là. De Rajotte. Ouais, ouais, il l'aimait pas, là. Il m'a allé la chercher, là. Vous allez pouvoir vous faire votre propre idée, mesdames, messieurs. Yes. Un pour tous et tous pour l'autre. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Tout peut arriver. C'est qui, ça? Je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de monde là-dedans, en fait. J'arrive pas à identifier qui fait quoi exactement. C'est comme un genre de We Are the World. Exact. Puis il y a plein de monde aussi. Il y a des gens pas connus qui ont participé. Il y a des sergents de police puis des affaires de même. Il y a même des gens pas connus qui ont participé, t'imagines? Là, ils sont pas dans le bottin de l'UDA. Non. Non, il a fallu qu'ils payent leur... Il y en a un qu'on reconnaît que c'est un sergent. Là. On va le voir bientôt. Là. Le constable Poitras? Pas encore lui. Celui qui a mis un cul-de-sac au bout d'un sens unique? Avec une défense de stationner. Je pense que c'est là. Ça, c'était lui. Ah, c'était lui. Tu mais... réponds à l'appel. Ah, ouais. Il a décidé de le rapper, sa peur. Lui. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas bon, en tout cas. C'est pas très bon, mais c'est une toune de cause. C'est jamais vraiment bon, en fait. Quand même le dire. Oh! Oh. Solo d'harmonica. Rudy Kaya, même. Rudy Kaya, ton ami. Ouais, c'est lui qui veut que je lui donne du papier à rouler. Parce qu'il a oublié sa pipe dans le champ. Ah, ouais. Sa pipe pour fumer du tabac. Oui, ben oui. Des bonnes rouleuses. Fume des taponeuses, pour ça. Ouais, il a roulé de... Oh, il se roule du comment ça s'appelle, le tabac à pipe. Ah, oh, ouais, les taponeuses. Chaque appel-là, même. Où étiez-vous pendant le Verglas 98, vous autres? Moi, j'étais à Sherbrooke. À Rwanda. Hein? J'étais à Robertval. Moi, j'ai vécu ça pas mal, moi, à Sherbrooke. Moi, j'ai une anecdote assez spéciale, parce que en Abitibi, là, l'année avant le Verglas à Montréal, en 97, à Sullivan, en banlieue de Val-d'Or, nous, on avait manqué pendant 2 semaines, mais je connaissais du monde dans un rang plus loin qui n'avait pas eu d'électricité pendant 1 mois et demi. Ah ouais. À cause d'un Verglas qu'on avait eu en Abitibi l'année d'avant. Ça, on n'a jamais entendu parler. Ben, James, il était où, man? Il était où? Je sais pas. Mais là, en Abitibi, là, vous êtes même pas capable de finir vos phrases. Là, penses-tu qu'on va vraiment... Hein? Hey, je suis pas d'accord pas en tout avec ce que... Et voilà, pendant que la toune se conclut Tu me laisses plugger la petite affaire de Claude Rajotte, ben oui, je l'ai trouvée ici. C'est approprié. Et voilà le commentaire de Claude Rajotte par rapport de cet album à propos de l'un pour l'autre. Claude Rajotte qui a donné 10 sur 10 au silence des roses. Nous avons un magnifique single, l'un pour l'autre, Verglas 98. Un cataclysme en attire un autre. Band-Aid a commencé cette mode des albums bénéfices en 1984 avec Doudenou, It's Christmas. Et là, cette fois-là, c'est Francis Martin, alias James Kaya Field. Et je ne sais pas s'il a eu une illumination ou peut-être qu'il y avait du courant chez eux et qu'il a pogné un choc électrique. Mais il nous a pondu cette merde qui s'appelle l'un pour l'autre. Et c'est vraiment, on atteint un nouveau bas de médiocrité ici. C'est assez cruel à dire aussi, mais ce genre d'album bénéfice, c'est vraiment l'occasion idéale pour récolter tous les has-beens, tu sais, qui peuvent pas faire carrière normalement. On est passé au travers de ça tantôt. Il est assez raide quand même. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pardon. Pas tant que ça. Mais tu vois, dans le même genre, j'ai essayé de trouver, deviner l'autre cause. H1N1, le cancer du sein. Non, ça c'est le déluge au Saguenay. Exact. Il connaît-tu ses causes, Tommy? Je connais mes causes. C'est parce qu'on revient du lac et on l'a entendu toute la fin de semaine. C'est ça, ça joue encore là-bas tout le temps. Hein. Ils ont fait une grosse statue en son honneur. Là. C'est un couteau qui tourne dans une plaie ouverte. Alors, ça s'appelle Mon village et c'est chanté par le Triumvirat Simard, René, Nathalie et Régis. Régis. Celui qui avait du talent. Non, Régis Simard, le frère. On le connaît pas, lui? Bon, on le connaît moins, mais il chante lui aussi de temps en temps. Mais tiens, il le connaît bien, je pense. Oui. Et il a déjà chanté pas loin de chez nous, là, dans un petit bar sur Bélanger. Oui, je ne me souviens plus du nom du bar. Je pense que c'était chez Clo-Clo, si je ne l'abuse. C'est comme le frère d'Éric Lapointe, Hugo, qui fait des shows au bar, là, genre au coin Georges Le relais du voyageur. Oui, au point d'autre. C'est ouais, genre un peu, oui. Fait que là, on écoute la version rythmée en ce moment, parce que sur le CD, il y a également la version acoustique. Personnellement, moi, je les différencie pas du tout. Regardez bien, on peut même On peut même switcher de version subtilement, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la version rythmée. On passe en version acoustique. Fait qu'on voit, c'est un petit peu plus slow. Veux-tu nous la skipper vers le milieu, comme l'autre, où elle était rendue à peu près? À peu près ici, là. Il n'y a pas de drum aussi. Il n'y a pas de drum, c'est ça. Fait qu'il y a moins de rythme. Tu lui donnes une défaite pour pas être tête. Ben, moi, je pense que... Je pense que ça va mieux pour se torturer. Pas de drum, de même. Ouais, ouais, c'est plus dur, probablement. Ça fait comme plus des pleurs dans le vide. Là. Comme ça, c'est l'autre. C'est assez ex-écho. Hey, ça... Fait que ça, c'était mes causes pour aujourd'hui. Donner généreusement à tout ça. Il y a aussi des tremblements de terre aussi là, un peu partout là. Mais il n'y a pas rien que ça. Il y a des causes de même qui sont encore là, puis qui sont encore vraies. Sinon, ben, on peut y aller avec ça. C'est pas une cause, mais c'est une fête. Devinez la fête. Pâques? Non, c'est une fête qui arrive juste une fois. C'est rien qu'une fois là. C'est à mes côtés. Ah ouais. On connaît Normand Brathwaite et Martine Sinclair. Alors, c'était le 450e de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada en 1984. Ah, ils ont fêté ça avec ça. Ils ont fêté ça avec ça. Pour moi, s'il l'avait su, il serait peut-être pas venu. Non, hein, le gars a affronté le scorbut des Indiens. C'est au 400e de Québec, c'était plus cool. Il y avait NoFX puis Céline Dion. Ouais, ça c'était le 450e de Jacques Cartier. Il y avait Céline Dion qui présentait toute sa famille un par un en disant un petit mot sur chacun d'eux. Ça a pris 6 heures. Voilà, fait que ça aussi, c'est hey, très bon. C'est pas bon ça non plus. Ouais. C'est pas facile, hein? Oh, mais moi, je me rappelle de ça. J'avais 10 ans en 84, là, puis je me souviens d'avoir entendu ce tune-là quand c'était populaire. Là. Quand, ouais, tu veux dire pendant les 3 heures. Ouais, ouais c'est ça, il y a eu un après-midi, là, à un moment donné, d'été. On entendait ça. Voilà. Part de ça, je passe à d'autres choses de vraiment intéressant que ça fait longtemps. Là, c'est Tommy qui m'avait prêté ça, puis je voulais toujours en parler, mais ça fitait jamais dans mes thèmes. Fait que là, aujourd'hui, je me laisse aller. Tu m'avais prêté l'album Salade de fruits. Oh, c'est un excellent album, plein de reprises de chansons connues, mais il y a une originale qui est devenue une de mes chansons préférées depuis, qui s'appelle également Salade de fruits. Ça, c'est une de mes chansons préférées de tous les temps, ça. Ma belle salade de fruits. Ça, c'est de la virilité. Yeah! Salade de fruits. Salade de fruits. Salade de fruits. Salade de fruits. Ma belle salade de fruits. Pensez-y quand vous mangerez de la salade de fruits. Salade de fruits. Ma belle salade de fruits. Ben, est-ce que vous avez la parole? Salade de fruits. Ma belle salade de fruits. Salade de fruits. Quel excellent album. Ça, c'est une chanson originale. Mais il y a aussi plein de reprises. C'est là-dessus qu'il y a la reprise de L'œil du tigre que j'ai déjà fait jouer pour le Nouvel An chinois. Il y a également la reprise de Physical, Je veux m'amuser qui avait été aussi faite par Nathalie Simard. Puis sinon, ben, il y a Pied de poule. Il y a également Da Da Da qui est assez intéressant. Ils ont rejeté une histoire à Da Da Da. Eh shit, hein? Ça fallait d'imagination, là. Oh, je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Oh, mon ami, oui, mon ami. Oh, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Oh, tu viens d'une autre planète. Peut-être Boubou Lougou? Peut-être. Tu viens faire une enquête. Tu peut-être Bibi. Le monde est beau et je répète tes mots. Quelle rime? Ça t'intéresse? Parle pas tout à fait comme Boubou Lougou. Pas le même accent. Hey, sac! Da da da. Il y a celle d'Abracadabra aussi qui est assez pas pire, la traduction qu'il a faite. Oui, effectivement. Une de C'est Hall & Oates, je crois, qui chantait ça originalement, n'est-ce le, pas? Non, c'est Steve Miller Band. Ah oui, t'as raison. Là, ça, c'est en français, par Salade de Fury. Un, deux, trois. Puis voilà. Tu serais là, au devant de moi. Au devant de moi. Ouais. Tu m'appelles. Moi, je suis au septième ciel. C'est quand même presque une traduction littérale de la tune originale. Ouais, ça s'éloigne pas beaucoup. Ouais. Je veux te tenir dans mes bras. C'est ça? Abra, ah, ben c'est ça, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est juste que ça sonne moins bien. Ouais. Ben, il n'y a pas l'effet dans la voix aussi qu'il y a dans la toune de Steve Miller Band. Ouais. Qui fait toute la toune. Puis Steve Miller, si je me souviens bien, avait fait cette chanson-là pour rire d'un de ses musiciens. Ah ouais. Parce qu'il y avait. Lui, il trouvait que la distorsion, ça servait à rien, puis son musicien trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Ok. Fait. C'est ça que ça donnait. C'est ça. Sur ce même album-là, il y a également La danse des canards avec le bruit de canard le plus agressant que j'ai jamais entendu. Crime qu'il est bon cet album. C'est le trame sonore d'Israël qui s'est pris sa graine, ça. Le reste, bon, ben. C'est assez classique, là. Graine. Hey, c'est un canon. C'est interminable en plus. Hein? Il vient à la fin. Pendant qu'on a le petit canard ici, Israël, on va jouer à quoi qu'on va jouer? À mon jeu préféré, ça s'appelle Sa graine. J'ai écrit quelque chose sur ma graine. Les gens à la maison, vous pouvez appeler, mais sinon, je joue avec les comparses de la radio. 987-3000, poste 16-10. Gênez-vous pas. Faut deviner le mot, c'est et ça? Et puis, une game de sa graine, des fois, ça peut être bien, bien long. Hein? Non, mais j'ai choisi un mot quand même relativement facile, puis on demande des indices rapidement. Mettons qu'on se laisse 3 minutes jusqu'à 40 sur le... Est-ce que c'est un végétal? Faut que tu dises sa graine, sinon... Ça... Est-ce que c'est un végétal, sa graine? Non! Est-ce que c'est une personne, sa graine? Non! Est-ce que c'est un animal, sa graine? Non. Est-ce que c'est un objet, sa graine? Oui! Oh, okay. Est-ce que ça se mange, sa graine? Non! Est-ce que ça, c'est plus gros qu'une boîte à pain, sa graine? Est-ce que ça marche à l'électronique, sa graine? Électricité, mettons. Non. Okay. Puis à peu près égal, plus ou moins, égal, là. Plus ou moins, ça se fait. Il y en a des petits, il y en a des gros. Est-ce que ça fait du bruit, sa graine? Non. Est-ce que si on cogne dessus, ça fait du bruit, sa graine? Oui. OK. Est-ce que tu penses qu'on en a probablement chacun chez nous, sa graine? Oui! Est-ce que c'est en plastique, sa graine? Des fois, mais pas souvent. Est-ce que c'est en bois, sa graine? Non! Est-ce que c'est en métal, sa graine? Non. Est-ce que c'est en céramique, sa graine? Est-ce que ça a une utilité sur la graine? Oui! Est-ce qu'on en a dans une cuisine, sa graine? Des fois! Dans notre chambre, sa graine? Des fois, plus souvent. Dans une salle de bain, sa graine? Chaque fois! Oh. Est-ce que c'est une poubelle, sa graine? Non! Oh, bonne idée, ça, sa graine. Est-ce que c'est un évier, sa graine? Un évier, non. Non, c'est pas souvent dans la cuisine. C'est là, des fois, ça dépend. Il y en a des petits, il y en a des gros, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que c'est un miroir, sa graine? Un miroir, sa graine! Oh, et voilà. Bruno Corbin l'a trouvé. Et il nous montre que c'est effectivement bien écrit. Il est écrit miroir. C'est bien marqué miroir. Alors, j'ai sorti mon pénis à la radio. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Si tu vas me permettre de m'inscrire au groupe Facebook, j'ai vu le pénis d'Israël Trudel Denis. Et voilà. Dont tout le monde est un membre, sauf moi. À ne pas confondre avec le groupe, j'ai entendu le pénis d'Israël Trudel Denis. À la radio. Que tout le monde peut joindre à la radio maintenant. Ben, merci beaucoup, Israël. C'est le fun, vous l'avez deviné sans que je donne l'indice. Oui, puis en seulement 2 minutes. Ouais. Voilà. Fait que ton tour à Bruno, d'habitude, d'écrire un mot sur ma graine. Fait que si vous voulez jouer à la maison, on va faire un tournoi de sa graine très bientôt. Et une petite variante, Israël, ne pas oublier nos fans féminines. Mettons qu'ils n'ont pas de graines, ils n'ont pas besoin d'écrire ça, c'est la bite de leur chum. Là. Ils peuvent... Non. Dans ça là tu joues à ses boules, sa graine. Fait que faut que tu finisses tes questions avec ses boules, sa graine. Ben, ses boules, tu parles à une fille, puis ses graines. Ah ouais. J'avoue que je me complique, mais c'est drôle de dire. Non, c'est ses boules, sa graine. Non, c'est vrai. Ça s'appelle sa graine, le jeu. Tu l'écris sur tes boules, puis la question se termine par. Est-ce que c'est tangible, ses boules, sa graine? C'est ça, parce que quand moi, Bruno, on a inventé ce jeu-là avec notre ami Jean, puis. C'est comme ça que ça se passait. C'était ses boules, sa graine. Ouais. Uh-huh. Fait que c'est de même, ça marche. Okay, c'est, très, très divertissant. Moi, je le conseille à tout le monde. Oui. C'est très drôle. Si tu dis pas ses boules, sa graine, c'est offside. Puis là, faut commencer au début. Non, pénalité. Au début, faut poser toutes les mêmes questions. C'est, c'est un drôle de règlement, mais c'est pareil que les blagues commencent aux échecs. On sait pas pourquoi, mais faut le faire. Ben, c'est comme quand j'en dis, là. Tu sais, si tu dis pas j'en dis, il faut pas que tu le fasses, tu es éliminé. Pourquoi j'en dis? Ouais, c'est qui, Jean? Ou pour nos fans en France, Jacques a dit. Salut Lilian. C'est ça pour vrai, en France? Ouais. Ben, sinon, on a, quand même, on a quand même eu une grosse semaine là, pour en parler. Là. Douteux.org a fini la tournée avec Brun Citron et Le Monde dans le feu. C'est vrai. Là, vous êtes allé à Rivière-du-Loup et Rimouski. Ouais, puis là, il y avait du monde. À Rimouski, non. À Rimouski, on est arrivé là, puis le premier band a joué. Puis quand David Simon est embarqué sur le stage, il a vidé la salle. Oups. Et puis ben, c'était pas de sa faute, c'était parce que c'était le monde c'était que ça lui tentait pas. C'est ça. Donc c'est un peu un mélangé de qu'est-ce qu'on aurait dû faire, de peut-être de faire headliner le band local finalement. Ah. Et puis à Rivière-du-Loup, on était dans un café qui s'appelle L'Innocent. Qui est un endroit que je recommande à tout le monde qui va à Rivière-du-Loup. Le staff est super sympathique, la bouffe est bonne. On va avoir un punch, puis, il prépare de quoi, lui? Puis il y avait même, en fait, il y avait un groupe de gens qui étaient en intégration à Rivière-du-Loup, donc des Québécois, des Européens, tout ça, qui venaient s'installer là. Puis là, ben, il y avait comme un espèce de groupe qui les aidait, qui leur faisait visiter des endroits. Et puis là, ben, dans le fond, on a fait un souper-spectacle. Ils sont venus manger là et le prix du spectacle était inclus dans leur souper. Donc, ça a été pas mal eux autres, notre public. Ça a été ce groupe de personnes-là qui ont bien trippé sur toutes nos affaires. Ils sont bien mieux. C'était des jeunes. Il y avait surtout des jeunes, surtout des universitaires, jeunes professionnels. Ah, qui venaient genre de finir leur cours puis qui allaient s'établir, faire exactement. Une petite carrière. En biologie marine, I guess. Je sais pas là-bas. En études de loup. En études de loup, de coucher de soleil, Rivière-du-Loup qui a le deuxième plus beau coucher de soleil après Hawaï, semble-t-il, selon National Geographic. Hein? Du monde, là, dans tout le monde. Du monde. Ah ouais. Ouais. Mais ben, pourquoi? C'est, ben, c'est vrai que c'est très beau, le coucher de soleil. T'as les montagnes, l'autre côté du fleuve qui est très large. C'est assez impressionnant. On est allé le checker, là, vu qu'on était là. Eh oui. C'est beau, c'était mauve, ces côtés. Puis c'était... Tu as des photos sur Facebook? Sûrement, mais pas sur mon Facebook. J'avais juste mon téléphone cellulaire, c'est pas des super belles photos. Les gars, on a battu le record de fois qu'on a dit le mot Facebook dans l'émission, puis on est rendu à moitié. Tout n'est pas gagné encore. Hey, je pense que je vais switcher vers le film ici. Là, je vais mettre un petit bruit de fond. Là. Okay, ça, c'est les contacteurs généreux. Ploc. The Lift. C'est un film de 83. Puis là, ben... C'est tout? Sonore. C'est ça, c'est tout ce que t'avais à dire? C'est bon. Non, je pense que ça fait le tour. C'est le début du film? Ouais, on est à 3 minutes 10. Ben là, 3 minutes 20. Bonsoir, j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. On a bien commencé la soirée chez vous et on la finira encore mieux. Appelez l'ascenseur? Non, prends pas l'ascenseur! Donc, ils sont quatre, ils sont sous, ils sont fous et ils vont dans l'ascenseur du milieu. Le pire. Oh! Si on a vraiment une gang fatigante, je suis déjà plus capable. Et donc, The Lift, j'ai pas écrit grand chose dessus. J'ai écrit le nom, non, la date. T'as renversé sur ta robe, ma louloute. Ah, oh, ben ça a dû traverser alors. On fait un câlin. Oh, tu peux attendre 5 minutes. Dans 5 minutes, on sera à l'hôtel. Pas l'hôtel, non, dans le sens. Un orage, et voilà, un éclair frappe la bâtisse. Et là, les quatre passagers se retrouvent pris. On dirait que c'est tombé sur le toit. Dans l'ascenseur. Séparation. Il y a certainement eu un court-circuit. Ça amène l'enquête. Certainement eu un court-circuit. Allô? Allô? Il est foutu aussi, espérons que ça durera pas trop longtemps. Deux bouteilles de champagne et du caviar pour tout le monde. Et le chasseau. Peut-être les fusibles qui ont sauté. Non, j'ai pas autre chose à signaler. Oui. J'ai pas autre chose à signaler. J'avais eu autre chose à signaler, je devrais signaler, puis c'est pas à toi, je parlerai. Il n'y en a pas pour longtemps. Les ascenseurs se sont arrêtés. C'est gay. C'est gay? C'est pas mal gay, oui. C'est gay quand les ascenseurs s'arrêtent. Une de ces chaleurs là-dedans. Alors autant en profiter, hein? Oh, t'as mangé trop de moules, chérie, tu sens l'ail. T'as oublié ton sirop pour la toux? Est-ce qu'à votre avis, ils savent qu'il y a une panne et qu'on est bloqué ici? On vient de leur dire. Là, en fait, le jeu de l'ascenseur, c'est de faire une panne, de bloquer les gens ici. C'est pas bien méchant. Et puis ensuite, elle monte le chauffage. OK, puis là, elle les fait mourir de chaleur lentement. Ben, elle attend que je fasse l'amour pour ouvrir la porte au moment pas pour toujours entre deux étages, hein? Ça, c'est pas normal. Non. C'est pas normal, donc, que les gens soient pris entre deux étages. Non, c'est sûr, parce qu'on prendrait moins souvent l'ascenseur. Je suis très content de présenter ce film-là de Lift en cette période de mois de mars. C'est vrai, hein? Ça nous rappelle que c'est pas juste les escaliers qui sont dangereux. Il y a peut-être des virus informatiques situés dans les cerveaux processeurs des ascenseurs aussi qui peuvent devenir démoniaques. À chaque fois, c'est pas des solutions, mais c'est des situations dans lesquelles il faut garder notre calme, faire attention, ne pas montrer les boules des filles avec lesquelles on est. Ça, c'est le meilleur moyen de finir par mourir dans un film d'horreur. C'est vrai. Ouais. Ils ont tout chaud. Ou sinon, s'assurer avant qu'on n'ait pas dans un film d'horreur. Ouais, ça, mais ça, tu le sais jamais. C'est difficile à savoir. Hein. C'est ça. Peut-être que tu peux rentrer dans une pièce sombre, faire 3-4 pouces, il n'y a pas de chat qui te saute dans la face en faisant... Mais peut-être que t'en es pas dans un, mais... Peut-être qu'ils sont plus dedans, ils n'entendent rien. Et pendant ce temps-là, toute l'équipe... J'espère que c'est la bonne. Hein? Oui. Voilà. Et voilà la clé ici, qui est supposée marcher. Voyons, c'est supposé marcher. Ça marche pas. Oh non, la musique redevient stressante. Fait qu'on a une trame sonore dans l'ascenseur. Il reste une petite minute là, à mon extrait. Là. Ça ressemble un peu à aux femmes en cage, là, le son qu'on entend. Oui, ben d'ailleurs... C'est facile à mélanger. Femmes en cage, maniaque et ça cette semaine. Ça fait 3 semaines qu'au visionnement, on vous met des affaires... un petit peu plus lente et gluante. Oui, c'est encore une fois dans le dialogue que ça va se passer ce soir, parce que sinon, il se passe pas grand-chose. À part qu'il parle, il se passe pas grand-chose. C'est ça. On tourne autour du moins 5, c'est sûr. Juste après ces gars-là, c'est ça, il y a la trame sonore qui les a achevés, tout le monde perd connaissance, là, incluant la fille qui est en tonton. Du calme, ouais. Du calme, pas de panique inutile. Pas de panique inutile. Voyeur, j'ai dit arrêtez de paniquer! Juste la panique utile, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et voilà, l'ascenseur a recommencé à descendre. Ils sont tous en train de courir vite, vite, vite vers le sud par rapport au nord qui est le haut. Et on arrive en avant de la porte de l'ascenseur démoniaque. Tatan! Oh, ça, c'est un grand classique. Ça semble, c'est comme police mélodique. Là, ouais. Ça ressemblait à sonnette chez grand-maman. Ben, en fait, c'est une transition subtile vers la maison du héros. Le héros qui est, checkez bien ça tout le monde, là, un réparateur d'ascenseur. Oh, évidemment. Le gars, lui, il va aller réparer l'ascenseur après avoir été appelé par le propriétaire de l'immeuble qu'il y a là. Et il va commencer à checker tout, là, faire un... En fait, il va aller faire 2-3 fois des check-up général avant de se rendre compte que peut-être qu'il y a autre chose. Ah oui. Une puissance maléfique? Tom! Quand l'ascenseur a fait mourir les gens, après ça, les gens disparaissent? Non. Ben, il y a 2-3 personnes que... Parce qu'il y a des fois qu'elle a comme le contrôle de câble, puis il y a des fois qu'elle a le contrôle de rien. Il y a une personne à un moment donné qui elle va chercher vraiment en snappant un fil, puis elle fait pendre dans la cage vide d'ascenseur. Non, carrément. Et puis il y a une fois à un moment donné, quelqu'un qui se fait décapiter par la porte qui ferme. Ouais. Et puis passé ça, je vois pas comment un ascenseur peut tuer quelqu'un. À part rester fermé vraiment, vraiment longtemps. C'est ça, ou ben donc de faire du up and down rapide, là, ou de comme partir en chute puis de breaker d'un coup, fait que là tu te casses les jambes, je sais pas. Là. Ouais. Ce qui est sûr, Ouch! On est autour du moins 5, moins 6. Ça va faire du bien de voir ça à soir, surtout qu'on va avoir de la bière au brouhaha. Ouais, ça va être plus facile. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile. Hey, moi, je vais shooter une petite toune ici. Il y a Predge qui est blessé, là, il est chez eux. Oui. D'ailleurs, je pourrais lire une lettre qui lui est adressée, vite fait. Ah, ben vas-y. C'est ça, c'est à Simon de Christelle, 4 becs et demi. Ciao dessus que c'est écrit. Oh, oh. Fait que pour Simon qui n'est pas là. C'est quoi? C'est que Simon t'a donné ses lettres du secondaire. Il m'a donné ce qu'il y a de meilleur. Ses meilleures années. Fait que c'est cool, tu sais. Fait que j'incite aussi les gens à la maison de m'emmener leurs lettres. Donc, salut Simon, ça va? Moi, bof, tu sais. Tu sais, genre, ta lettre était vraiment belle et touchante. Merci. Puis t'es un gars vraiment hot. Je te trouve full beau, gentil, etc. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Tu sais, je te comprends. Le gars que j'aime ne m'aime pas non plus du tout. Fac, on est dans la même situation. Mais il y a une chose, par exemple. Je veux pas que ça vienne gâcher notre amitié. Non. Surprise. Je veux pas te perdre comme ami. Je veux te garder comme ami. Fais-y une pipe, ça va être réglé. Puis là, là, c'est beau parce qu'elle change de sujet pour adoucir la lettre. Là. Ah. D'une très belle manière. Parce que j'ai déjà lu, moi, chez nous. Bon, ben, changeons de sujet. Hey, ça va être hot demain. Qu'est-ce que t'en dis? En tout cas, j'ai bien hâte. Ça va être rigolo. Avec un T. En tout cas, là, je vais te laisser. Il faut que j'écoute mon prof d'anglais. C'est soit anglais, hein, les lettres. Ton ami pour la vie. Entre parenthèses, je l'espère. Mmh. Trois petits becs avec un et demi. Bonne chance en toute PS. The end, que c'est écrit à la fin. Moi, j'aimerais ça savoir comment on fait pour donner des demi-becs. Ouais. Moi, j'aimerais ça que si Predge nous écoute, j'aimerais ça qu'il nous dise si c'est encore son ami pour la vie, Christelle. Oui. Oh. Si elle, elle nous écoute. Oui, on va pas pouvoir lui demander la semaine prochaine, mais il va sûrement répondre en criant à des affaires. Ouais, ouais, ouais, ben il est pas bien ben parlable quand il y a un micro pas loin. Ouais. on va y envoyer une lettre. Ben, merci beaucoup, Israël. Et ça voilà. Je pense qu'on va faire une petite toune là, avant de changer vers autre chose. Ça a de l'allure, ça. Oui. Pas Beware Children at Play. Batman se marie. Tu sais, on va le mettre après la toune. T'as-tu une toune d'Annie Dufresne? Ah non, j'ai pas de ça. Ah, peut-être. Oh, on avait downloadé l'autre jour. Ouais. Bon, ben, raconte quelque chose pendant que je vais chercher une toune de Bowie. Ben, je peux lire une autre lettre, tu sais. Ben, vas-y. Hey, sinon, ben, j'ai trouvé un autre bout de Norman. Ah, ouais, on va écouter Norman là-bas. Ouais, Norman, ok, j'en ai trouvé un pas pire. Faut juste que je retrouve le bout. Dis quelque chose, là. Le bout, hein, faut que tu trouves le bout. Ouais. Ben, tantôt, on va parler okay, aussi de Bowie. J'ai finalement hérité du gros dictionnaire de mon père. Par finalement, chance. Enfin, il est mort. Oui, parce que finalement, il raconte que son père faisait des mots croisés qui étaient super bons, que sa sœur faisait des mots croisés aussi, puis quand elle savait pas comment le finir, elle demandait à son père, puis il trouvait toujours, puis que sa sœur faisait des beaux tricots de vêtements pour bébé tricotés à la main. Ça nous met dans le contexte. Fière, elle faisait des tricotés en maille de poindrie ou en tricot en vert ou tricot en droit. Mais bon, finalement, j'ai finalement hérité du gros dictionnaire de mon père. Par chance. Que je l'ai encore. Sinon, ce que j'écris présentement serait plein de fautes. Oui, parce qu'on a vu qu'il n'en faisait pas. Imaginez-vous un texte plein de fautes. Vous n'aimeriez pas ça bien. Non. Je le sais. Non, on n'aimerait pas. C'est intolérable. Il y en a plusieurs qui lisent ma vie. Et puis, qui sont instruits et instruites. En plus, il sait à l'avance qu'il y en a plusieurs qui vont lire ça. Plusieurs. Il a dit « je le sais ». C'est gênant écrire pour tous vous autres. Et puis, sur Internet, je pense que sur mon site de Normand Lamour, mon gérant va le placer sur le site Internet. Oui. C'est probable qu'il le fasse. Un instant. C'est probable qu'il le fasse. Voilà, c'est fait. On me confirme. Vous êtes en train de lire ma vie. Comme c'est beau. Voilà. Puis c'est vrai, il était sur son site dans le temps, puis moi, c'est là que je l'avais pogné. Je travaillais chez Téléglobe, puis je l'ai tout lu, tout en étant payé pour faire des programmes que je faisais pas. T'es fou, hein? Ouais. Il est plus là maintenant, mais j'ai pu m'en garder une copie. Non, t'as plus ta job chez Téléglobe. Je l'ai plus non plus, non. Je suis devenu prof d'informatique. Je me suis tout le temps qu'à pas travailler aussi bien. Hein? Aller directement prof de cégep. À la source. Hey, j'ai Où tu vas de Annie Dufresne, Marchand de sable par Annie Dufresne. SOS Parano, me semble, elle était pas bonne. Elle était très bonne, elle. Ouais, moi, j'irais pour ça. OK, on met SOS Parano de Annie Dufresne. On sait pas si on va la finir. Est-ce que, parce que j'ai trouvé son livre là, qui s'appelle C'est sorti en je sais pas quelle année, je vais vous dire ça tantôt. Bah, le 9 ans, là, quand elle était hot. Tatou, c'est fini. Alors, un roman. Je m'appelle Tatou, j'ai 17 ans et je fréquente un cégep. Et pour ceux que ce détail intéresse, je suis encore vierge. Ouh. Ah, pour ceux que ça intéresse pas, c'est, je ne le suis pas. Elle est vraiment pas bonne dans beaucoup de domaines, hein, elle. Écoute, elle est assez polyvalente dans la pas bonté. Ouais. Je te lis la première phrase peut-être du chapitre 7. Bon, ouais, ben, lis la première phrase, puis après ça, on va faire tout le reste. Ouais, c'est ça. Puis après caméra ça... de Patricia... Patrice Paquin, excusez. Ouais. Vas-y, vas-y. Mais c'est peut-être son frère jumeau, par exemple, à Patricia Paquin, qui a un frère jumeau. Et ouais. Shit, bravo aux parents. Qui, je pense, qui s'appelle Patrice. Ah ouais. Bon, ben, fun, show. Ouais, fait que je le lirai au complet, puis on se fera une petite critique résumée une autre fois. Première phrase du chapitre 7. Pendant tout le reste de la journée, Isabelle a vendu des gars de Michel à l'arme à l'œil. Chaque fois qu'elle en faisait vibrer un, elle éclatait en sanglots. C'était la première phrase. Non, mais là, je disais la première phrase. Ouais, c'est tout ça, là. SOS, je sais pas quoi. SOS Parano. Annie Dufresne. Son album Rock'n'Road en 2002. Comment ça, tu sais ça, toi? Je vais checker ça sur Internet. OK, on a-tu coupé? Pas le mien. Cavale avec 20 pièces en poche, Noël et des brioches. Au café de la gare, tu rumines ton désespoir. Le cœur dans les dos, SOS parano. Où est passée la lumière? Où est le tunnel? Dans ton univers, étanché vivant, appelé à sang, à l'horizon, une étoile brillera un jour sous peu, et les aurores boréales dans un ciel noir, rouge et Et voilà, c'est le fade-out. Je suis très content de vous dire que, selon Wikipédia, Patrice Paquin est réellement le frère jumeau de Patricia Paquin. Et donc, le caméraman de Annie Dufresne était lié avec la personne qui s'occupait de Flash, la grande émission de culture ici au Québec, avec l'excellent Alain Dumas qu'on a vu à la télévision en fin de semaine. Mais là, c'est vrai, j'étais supposé nous ramener dans l'excellent ici. De lift, on va apprendre à connaître notre héros, en fait. Il est en avant du miroir, il vient de se lever. Tu seras gentil à l'avenir de lui ramener des voitures qui ne marchent pas avec des piles. Pourquoi? T'entends le boucan? On voit que t'es pas là toute la journée. Les autres jouets l'intéressent pas. Technophobe. Ça commence à enfler. Hein? J'ai pris un de ces directs du droit. Tu l'as cherché. Tu sais bien qu'Harry est d'une jalousie féroce. Ce que je disais, c'était pas bien terrible. Je discutais gentiment. On a quand même le droit. Alors, il fallait lui renvoyer son direct. Non, pas question. Bah ouais. Un peu la taille qu'il a. Bah, la sirène compte plus du tout. On s'en fiche éperdument. Tu veux me la réparer? On fera ça ce soir. On vient de les appeler pour une urgence. Tu n'es pas encore prêt. Tu vas être en retard à l'école. Le père de Violetta a des cheveux tout noirs plein la poitrine. Ah, ouais? Okay. Et comment tu sais ça? Je l'ai vu l'autre jour à la piscine. Tiens donc. C'est vraiment une belle tranche de vie. Bertie, laisse ton journal, on ne lit pas à table. Et tu vas être en retard. Je fais comme papa, mais lui, il ne va plus à l'école. Si tu veux pas finir réparateur d'ascenseur comme ton père, mange ton œuf. Arrive à l'heure à l'école. Pa, ouais. Est-ce qu'un jour j'aurai des cheveux sur la poitrine? Les filles, c'est autre chose, elles ont des bosses. Des bosses? Pas les garçons. Hein, que les garçons, ils ont pas des bosses. Pas des bosses. Chez les femmes, ça s'appelle des seins. Maman, est-ce qu'un jour j'en aurai moi aussi? C'est beau, ouais. Quand tu auras tout mangé dans ton assiette. Les Chris. C'était pas mal le bout que je voulais faire écouter. C'est vraiment le héros ici qui est en train de pourfendre l'injustice et la menterie. Hey Bruno, veux-tu nous lire ça, des nouvelles? Toi? Oui, alors je vais y aller tout de suite avec une nouvelle qui a fait beaucoup plaisir à Tommy Godette cette semaine. Hein? Nouvelle de jambon, bacon? Des scientifiques australiens ont découvert le sixième goût. Oui! Oui! Il semble que... Ben, vas-y, dis-les, Tommy. Hey, c'est parce qu'on avait le surami, l'acide, l'amer et le sucré, puis le salé. On était à 5. Ouais. Le ouais. Surami, ceux qui le savent pas, c'est le goût de la pourriture, mettons. En fait, non, le surami, pour vrai, c'est le goût de... Le goût de la protéine. Ah! Qu'on retrouve dans la sauce soya, entre autres, dans le bouillon de poulet. Ah, bon. Finalement, ouais. Moi, j'avais pas rapport là-dessus. Ouais. Par contre, on est rendu à 6. Le sixième goût. Le sixième goût. Que tous les êtres humains ont. Uh-huh. C'est le gras. Oh. Le gras. Le gras. Le gras. Hey, t'as entendu ça, Andy? Le gras. Tu finis tout le temps par avoir rapport à moi. Alors, après ça, Tommy, il me dit arrête de te mettre au centre de tout. J'essaye. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, les chercheurs ont testé 30 sujets leur offrant une large variété d'acides gras dans une solution sans goût. Chaque individu a pu distinguer le goût du gras dans la solution. Ils ont aussi découvert que la sensibilité au goût du gras est directement liée au poids des individus, une découverte qui pourrait aider à contrer les le grosses... Le voilà. Lié les comment? Gros. Ça, on le sait-tu? La sensibilité, donc plus t'es gros, plus que ça goûte. Ah, c'est ouais. Ben, c'est ou encore plus tu le goûtes, plus que tu as envie d'en manger. Donc plus tu deviens gros. Là, je sais pas dans quel sens ça se fait, là, mais bon. Ouais, voilà. Hey, on a un sourd qui est revenu en studio. Mais oui. Ouais. Il est impossible. C'est parce qu'en fait, il est resté là tout le temps. On lui avait dit faut s'en aller, mais. C'est ça, tu fermerais les lumières, mais il a pas compris. Il restait dans le coin. Hey, t'en as une autre. Moi, je vais y aller avec un autre tout de suite. Le 15 février 2008, Marcel Côté de Westmount. Yeah. Elle était dans l'avion pour passer ses vacances à Puerto Vallarta au Mexique. Environ une heure après le décollage, Côté se sentait assez inconfortable pour aller faire un tour d'urgence aux toilettes où il a trouvé des taches de sang près de son scrotum. Paniqué, il a demandé l'assistance du personnel navigant, demandant à un homme afin de pouvoir se faire examiner. Le steward a refusé de l'examiner, lui offrant des serviettes absorbantes à la place. Côté a alors exprimé son désir de voir un médecin immédiatement. Le personnel lui a affirmé qu'ils appelleraient un médecin si sa blessure semblait assez grave. Après l'atterrissage, Côté s'est rendu chez un médecin où le docteur a déterminé qu'il avait une veine éclatée près du scrotum. 3 points de suture furent nécessaires. Marcel Côté a poursuivi Air Transat pour détresse psychologique, affirmant que l'incident avait ruiné ses vacances et le rendait anxieux en avion. La juge a rejeté sa plainte cette semaine, affirmant que le personnel navigant ne peut faire de diagnostic médical et que sa condition n'était pas assez grave afin qu'elle requérait l'assistance immédiate d'un médecin. Voilà. Ouais, mais sa souffrance. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il était censé faire, là, les hôtesses de l'air? Aussi, j'aurais la chienne. Ben, le gars, il était censé aller checker en dessous. pour voir tout ce qui venait le sang qui allait peut-être y couler d'en face en allant vérifier. Puis après, faire quoi? Puis après ça, il y a du sang. Il dirait, écoute, il y a du sang qui coule. Je pense qu'il aurait mieux mettre des serviettes absorbantes pour pas saigner. Hey, j'ai remarqué, moi, que le gars, il s'appelait Marcel Côté. Ouais. Ça fait MC. Ouais. Si tu le vires à l'envers, ça. Ça fait CM. Ouais. Nous autres, on est allés en. C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Puis M, c'est la. 13e. 13e lettre de l'alphabet. Ça fait 16. 16, ça fait 5. 5. Ça fait 5. Ça fait pas 7, 16? Ça fait 7, ouais, excuse-moi. Non, mais avec une soustraction, ça fait 5. C'est aussi bon. Non, mais là, c'est 13. Ce serait pas plutôt comme 3 plus 1 plus 6 plus 3, 1 plus. Ah, c'est ça? C'est 5? Ouais, 7. Ça fait 16. Ça fait 7. 7. 7, c'est, c'est le chiffre de Dieu. Ouais. Dieu, c'est un c'est une entité mythologique. Qui a le même chiffre que les nains de Blanche-Neige. Qui est aussi de la mythologie. Ça commence par M, qui est la 13e lettre. Puis 13, ben, tu sais, il y a 13 levels, 13 nains. Mais on s'éloigne du sujet, je crois. Hey, oui, on est allé à Chicoutimi pour faire deux visionnements. Un dans le cadre du festival de vues sur le court-métrage. Regarde. Qui nous ont très bien reçus. L'hôtel 4 étoiles. Oui, l'hôtel 4 étoiles. Est-ce que la chambre de bain était belle, Evelyne? C'était beau. Ah oui, c'est exactement le genre d'ambiance que t'as pas envie. Mais il y avait une excellente vue sur... sur le stationnement. La chambre des autres. Sinon, les autres avaient une excellente vue sur notre chambre. Ouais. D'ailleurs, Barnabé en a profité pour lancer une affaire dans notre fenêtre, mais... Passé ça, on a fait un visionnement qui a très bien été. Mieux que jamais. De minuit à 2h30, la salle était pleine, 3h. À la fin, ils nous ont dit, là, faut que vous arrêtiez, là, c'est fini. On a dit, je suis tout le pays. Il est allé bout d'ailleurs. Là, après ça, on est allé en faire un à la microbrasserie du lac Saint-Jean, qui est un endroit méga sympathique, ultra génial avec les amis. Puis là, qu'est-ce qu'il y avait, là? Là, il y avait de la bouffe gratis, puis tout. Là. Puis il y avait Israël qui a fait sa première animation de visionnement. Moi, ouais, je l'ai fait à la place de Tommy, puis ça s'est bien passé. Ben ouais, oui, puis il y avait même un fan de Bonne Journée dans la salle. Oui, c'est vrai. T'es-tu zan, hein? Là, il est allé signer boule. Qu'est-ce qu'il y en avait d'autre aussi? Il y avait pendant la journée du samedi, là, parce qu'on n'avait rien à faire. On a visité Chicoutimi, et on a fait la rue Racine au complète. Ouais, on était sur la rue Racine en bas de la côte, comme dans l'annonce de Mazda. Ouais, ouais, en bas de la côte. Il y avait justement C puis M, on disait pas ça pour rien tout à l'heure, il y avait la table JCM. Hey, mais avant que t'embarques là-dessus, parce que ça va être long, ce chapitre-là, sur la rue Racine, à Chicoutimi, il y a un de mes amis d'enfance qui s'appelle Nicolas Lévesque, qui est en feu dans son domaine télévision, cinéma, photographie à Chicoutimi, qui a fait un projet, le projet Racine, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Il a fait 20 courts-métrages par rapport aux gens sur la rue Racine, à des commerces, à des trucs. Ces 20 courts-métrages se retrouvent dans 20 commerces de la rue Racine. On a le son dehors, puis tout. Il appelait ça le ciné-parc urbain. Ouais, cool. Ouais. Puis les courts-métrages, à peu près 5 à 8 minutes, moi, vraiment... c'était pas mal plaisant. Ouais, mais même moins que ça, là. Ouais. Il y en a des super courts, là, ouais, 5 minutes. Puis il a fait... Moi, je suis pas mal fier de lui, il a fait 20 courts-métrages ça, en à peu près, tu sais, comme 2-3 mois, là. Il a vraiment fait ça vite. Puis non, c'est super intéressant, là. Un petit couple qui marche, qui est sur le bord, qui dit « Ah, ben d'habitude, on va dans la zone portuaire. » Puis là, lui qui demande « Ben là, pourquoi vous y allez pas? » Ben là, on n'est pas habillé pour ça. C'était assez documentaire banal. Non, c'est génial. C'était... Non, mais les vins sont disponibles sur le site Internet si vous voulez connaître l'essence de Chicoutimi. C'est quoi, c'est Racine avec un Projet S entre parenthèses? Pas de S. Projet Racine. Il y avait le S entre parenthèses tout le temps. En tout cas, vous irez voir ce voie-là. Sinon, ben, on en vient au CM. Ouais, parce que justement, Evelyne est en train de jouir sur les vidéos de son ami d'enfance. Alors, moi et Tommy, on est rentrés dans la tabagie à côté. Et on est ressortis seulement 1h30 après. On a eu du fun. Checker les gars, ce qu'on a trouvé là-bas. On a trouvé une compilation d'articles de jadis qui passaient dans le Photopolis. Tu sais, mes pages centrales que j'ai depuis 10 ans, il y a quelques articles qui reviennent là-dedans. Courrier cru illustré. On a acheté le livre d'Annie Dufresne. D'ailleurs, c'est là qu'on l'a acheté. On a demandé à la très charmante Myriam Tremblay, est-ce que c'est combien ça? Puis elle a dit, faut que j'appelle mon boss. Là. Puis, parce que c'est la première fois que quelqu'un me demande cette question. Oui, mais c'est parce que le prix en arrière, c'est 16,95. Les intouchables, quand même. Ouais, puis elle l'a fait à une pièce. La maison d'édition que tu vas voir quand toutes les autres. Ah, il y avait tout. Il y avait un coat à 300$, un cadre de Mr. Bean, des collants, des lunettes de Simon Chénier Salle, des flasques pour boire de l'alcool, NASCAR. Mais pas de bière, NASCAR. Ah, le magasin, le restaurant Les 4 saisons d'Evelyn, qui était tout le temps fermé dans le fond. Encore là, oui. Je suis concerné. Le club vidéo au sous-sol. Ouais, avec le. Sentait le chien. La boutique de piercing. Boutique de piercing dans le sol aussi. Puis il y avait un restaurant dans le fond qui était fermé. Les 4 saisons. Rester vraiment une heure et demie. Là. On y allait une étape à la fois. Tout ça pour dire que la commis s'appelait Myriam Tremblay, puis elle était correct chantier, là. On la faisait bien rire, mais elle ne parlait pas beaucoup. Puis là, on a tout été l'ajouter sur Facebook. Parlant de Facebook, c'est sa fête aujourd'hui à Myriam. Aujourd'hui même. Bonne fête, Myriam, et j'ai composé une chanson pour toi. Juste avant ta chanson, j'aimerais ici lire un petit article que j'ai trouvé dans ma compilation. Dans la tabagie CM pour ces malades. Ouais. Israël va bander. Courrier cru illustré, attention, joke salé, mini-histoire, jeu cochon, québécoise en action. Hey, ici, j'ai une photo. Il y a une madame qui met sa langue. Là. Quand j'ai vraiment envie d'une autre fille, je n'hésite pas à la baiser dans le cul avec ma langue bien allongée. Souvent, quand je fais ça, elles frémissent et leur chatte des gouttes de jus. Elles jouissent ensuite très vite du clito. C'est bon à savoir. T'en regrettes de ne pas l'avoir acheté, Bruno? Ah, y en a plein. Il y a une photo, c'est écrit « Elle me va comme un gap ». C'est un gars qui a mis son pénis dans un soulier de femme. Ah, c'est beau. Ah, yeah, yeah. Ça élève l'esprit, ça élève. Oui, c'est ça qui est le fun. On est rendu à la chanson. À la chanson, bonne fête, Myriam. Fait que ça va y aller comme ça. 1, 2, 3. On découpera ça, puis on y en verra. Alors, Myriam Tremblay, c'est ta fête. Puis c'est pas mal comme ça à chaque année. C'est ta fête. Puis cette année, on va pas t'oublier. C'est ta fête. L'an passé, on te connaissait pas. C'est ta fête. Mais une vie sans toi, star, c'est pas mal poche. Tu savais-tu que ta fête tombait en même temps que celle que David Cronenberg. Cronenberg, j'espère que tes affaires vont bien aller, Cronenberg. Parce qu'en frais de réalisateur, y'a pas mieux que toi, Cronenberg. Le festin nul, c'est un de mes films préférés, Cronenberg. Un de nos grands réalisateurs canadiens, c'est vos fêtes. Na na na, c'est nos fêtes. Na na na na, c'est vos fêtes. Na na na na. J'ai eu un bel après-midi à la tabagie CM. Oh. Oh. Bonne fête, Myriam Tremblay! Oui, Myriam Tremblay. Là, on a pensé à quelques slogans pour rehausser la visibilité de la tabagie CM, qui était vraiment un endroit unique. Puis là, on a dit CM, c'est clair qu'on l'aime. Ah, c'est malade. C'est malade. Ouais, mais moi, j'aime mieux qu'à... Garde Marotte. Marcel Côté. Ah, non, Marcel Côté. Elle nous l'a dit en plus, mais il a tremblé, c'était pourquoi, mais je m'en souviens plus. C'était le nom du boss, puis dans la table JCM, il y avait une photo... De la limousine. De la JCM avec la limousine du boss en avant. Parqué en avant. Parce que le boss, c'est lui qui a une limousine. Tu sais, toutes les villes de 30 000 personnes ou plus... ont au moins une personne qui a une limousine dedans à la louer, puis blablabla. Bla, bla. Et puis, ben, Chicoutimi. C'était le boss. C'est le boss de la propriétaire de la... C'est fou. Puis après ça... Ah, non. J'ai rencontré mon ami Antonin qui s'occupait du Rouge Burger, puis de l'international. Puis là, il dit, ah oui, cette place-là, c'est malade. Là. Avant, dans la cave, il y avait Harley, il y avait des machines à boules pétées, puis là, il y avait... Le cordonnier dans un petit box large de même, qui fumait des cigares tout le temps. Un endroit de mythe. Ah oui, tout était là. Hein. Je pense d'ailleurs qu'il y a un petit film là-dessus, ou sur l'étage au-dessus du CM, sur Projet Racine. Ça se un peut. Des 20. Mmh. Puis on est allé après ça, le lendemain, on y est retourné, on voulait revivre l'expérience. Ouais. Finalement, on est arrivé 15 minutes avant que Myriam revienne travailler. Il a laissé un petit mot, puis la fille au comptoir était vraiment bête. Je pense qu'elle était peut-être un petit peu jaloux, je sais pas. Ben, ça, hein. Mets-toi à sa place. Une maudite fille. Il y avait un restaurant dans le fond qui Myriam nous a dit on lui a demandé c'est quand qu'il rouvre le restaurant dans le fond de la tabagie, puis elle a dit des fois il est ouvert le matin. C'est ça, les quatre saisons d'Evelyne, c'est comme ça s'appelait. C'est ouvert de 7h à 8h15 chaque matin. Des fois. Il y a l'air d'avoir plein d'Evelyne famous à Chicoutimi. Chez Georges, la sauce à Evelyne, c'était sa femme. C'est comme un nom du lac Saint-Jean, Evelyne, peut-être. Ouais. Peut-être. C'est la première femme d'Adam, ça. Ma grand-mère s'appelait Evelyne. Ben oui. C'est pour ça que. Tu as choisi en son honneur. Ben oui. Là, okay. Hey, DJ Georges, tu vas nous recommencer un autre petit bloc de tes aventures auditives. Tout à fait. Oui, trêve de tabagie. Oui, trêve de tabagie. Mais elle reste dans notre cœur, la tabagie. Ah oui, tout le temps. Tout comme le tabac reste dans notre cœur. Hey, on se le fait tatouer. On a failli quand on était là. Ouais, ça aurait plus rapport, revenir avec ça. J'ai une chanson, je l'ai fait jouer tantôt en background là, pendant qu'on parlait d'autres choses. Mais j'aimerais qu'on écoute un peu. C'est une chanson de Roland Godette encore, celui qui nous avait donné l'arithmétique. L'arithmétique. La chanson de À la santé de nos deux, de nos un, mon vieux. Là. Mais là, ce coup-là, c'est Timoine qui chante. Puis ce que j'aime de cette chanson-là, c'est qu'il y a un grand bout que je comprends pas. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. On reconnaît le genre. Hey, hein? La basse ringue. C'est toujours un peu ça. Hein? Après l'avoir frappé à la porte, il lui demande pour rentrer en si ça plaît, madame. Ça fait un peu le rapide blanc. Hein? Ben c'est ici. Là, il répète, je comprends pas plus. Toute madame m'a framboise. Ouais, on va avoir un autre shot pour tester l'hypothèse. Okay. Non, je pense pas que ce soit ça. Ça a l'air plus de frambois que framboise. Moi, j'ai compris aucun mot, en fait. Moi non plus. Puis c'est ma job, là, de comprendre des mots. Qu'est-ce que ça en est? C'était le jeu. Oh, du monde, je vais te friser. Non, madame, je vais framboise. Ce qui est beau, c'est que les gens répètent exactement de la même façon. Chose, hein? Les autres, ils ont l'air à comprendre, mais en tout cas, moi, ça, je sais pas. J'ai écouté beaucoup de fois. Je sais toujours pas ce que c'est. Ils ont peut-être pratiqué une couple de fois avant, puis il y avait peut-être le texte. Peut-être qu'il y avait le texte, mais ils prononcent tous mal, alors de la même façon. Est-ce qu'on sort le bon vieux 987-3000, poste 16-10? Vous avez des hypothèses? On a des Nissan Sentra. Ouais. Celui des qui nous le trouve. Bouquets de Nissan Sentra à donner. Exactement. On les donne en paquet de 6. On les donne rétroactivement. Oui. Voilà. Donc, attends. Ah, tu vas en mettre dernière une shot, là. OK. Broum! Timoine disait. Broum! Timoine disait. En tout cas. Broum! OK. Et c'est maintenant l'heure des tunes de Wing de la semaine! Ouais! Tiré de l'album Beat It, dernier 16e album de Wing. Alors, on a cette fois-ci deux chansons, pas du même artiste. Ce coup-là, il n'y en a pas deux pareils, mais je vous en parle une ici, très connue. C'est bien entendu. Elton John. Candle in the Wind. Il y a une belle histoire à l'original de celle-là, pareil. Lady Di, quelque chose de même, non? Ben ouais, parce qu'il l'a sorti pour la première fois dans les années 80, puis ça a été un flop. Là, il l'a ressorti après pour la mort de Lady Di, et puis là, ça a été vraiment, vraiment un hit planétaire. Mais c'était pour Marilyn Monroe au départ, non? Ouais. Ouais, hein? Ouais, c'est ça, c'était pour la mort de la personne pour qui c'est que. En fait, il a composé un autre couplet pour Lady Di. Ouais, pour Lady Di. C'est un peu le principe de Chose Bin, c'est ta fête, là. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire la même affaire. Ah, ben c'est pas pire. Chose Bin, c'est ta mort. C'est pas comme ça. Au pire, je pourrais faire ça, puis le prochain album de Bonne Journée, là, on pourrait l'appeler. pour les victimes du 11 septembre. Ah, là, ça serait bon. Bonne et journée d'Haïti. Pour les victimes du 11 septembre. Ouais, c'est bon, ça. On se souvient. Hey, Evelyne, c'est passé sous le radar, mais tu nous as imité ah, ça, pas pire. Je pense que quelqu'un veut une Nissan Sentra. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut une Nissan Sentra. Chante comme Wing une fois, là. Mais, non, mais réponds au téléphone. Bon, non, mais je voulais s'entendre en deux cœurs avec elle. Elle disait wow. Like a candle in the wind. Hey, salut, on est à 70%. Ouais, c'est Pred. Hey, ah, salut, Pred. Oh. Puis, est-ce que tu vas te remarquer, cette semaine, je suis pas là, hein? Ben oui. Ben oui, on se parle. On était super paisible aussi. C'était super zen en studio. Ben, tu gâches tout. Ben, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Attends, Fred, Fred, j'attends. T'es-tu encore ami avec Christelle? Ah, il a raccroché. Ah, il a vraiment raccroché. Il a raccroché. Le mystère reste entier. Ah, ben, je vais le rappeler. Oui. Non, mais je pense que je sais dans quel dog pound ils l'ont enfermé. On le rappellera. Sinon, je peux passer tout de suite à la deuxième tune de Wing. Oui, oui. Qui est un petit jeu de mots en même temps. Oh non. Oh. Ah, ça, c'est voilà qui rappelle, sans doute. Tu veux nous scraper notre autre tome de Wing, toi? La réponse, c'est non. Ciao, bye. La réponse, c'est non. Ah ouais, OK. Et c'est auto-censuré. Alors, tout le monde l'a reconnu, bien sûr. Oui. The Wind Beneath My Wing. Ah, voyons, elle arrête pas de faire des tunes de Wing. Eh oui. Candle in the Wing. The Wind Beneath My Wing. Wing Beneath My Wing. Beat Wing. Oups. Là, on sait qu'elle vient de Nouvelle-Zélande, Wing, mais ouais. Est-ce que sa langue d'origine, c'est l'anglais? Non, non. En fait, elle vient de Chine, originalement. OK. Là, elle vit maintenant en Nouvelle-Zélande. Mais elle est née en Chine, puis sa langue d'origine, c'est probablement le mandarin ou le cantonais. Là. Une de ces deux, là. Sans doute. Aïe, oh, on vous laisse avec Wing un petit peu, je pense. Ouais, je pense que ça va faire du bien. Oh, calmer tout le monde. Faire les petits. Oh. Et pour toi, et Pred. Et pour toi, et Pred. Après l'appel de Pred, je suis tout à l'envers. Bruno Corbin aux nouvelles. You are the wing beneath my wing. The wing beneath my wing avec Wing. Des policiers de Wichita au Kansas ont arrêté un homme au volant de sa voiture saignant de la tête. L'homme de 33 ans leur a alors raconté qu'il avait acheté pour plusieurs centaines de dollars de crack avec de l'argent Monopoly. La semaine dernière. Le vendeur l'avait invité chez lui et à son arrivée, il l'avait frappé à la tête plusieurs fois avec son pistolet. La victime a réussi à se sauver et à éviter des blessures sévères. Malgré les circonstances du crime, la police souhaite capturer l'assaillant mais affirme que l'homme ne souhaite pas témoigner. Hey, c'est... Fait que là, le gars, il a vendu du crack contre de l'argent à Monopoly. Il s'en est rendu compte. Fait que là, il a demandé au gars, veux-tu revenir me voir s'il te plaît? C'est ça. Puis le gars, il est allé. Il est allé. Il a probablement dit, hey, j'ai un deal. Ouais, c'est ça. C'est du crack. C'est ça. Si tu me donnes deux chemins de fer, je te donne encore d'autres cracks. Tu m'as même pas mis les terrains. Hey, elle est vraiment bonne, celle-là. T'en as-tu une autre? Oui. Moi, j'en ai un autre. Wing est avec toi. Là. Ouais, justement, là, on parle de. En tout cas, bon. Lee Jin-gyu, donc, c'est un japonais, est tombé en amour avec son Daki Marau, un oreiller à câlin. L'oreiller souffrant dans mon point arbore un imprimé de Fate Testarossa de la série animée Magical Girl. Il est complètement obsédé par son oreiller, affirme un ami. Ils vont au parc ou à la foire ensemble mais non. Et il l'emmène dans les manèges. Il l'emmène ensuite au restaurant et lui paye un repas. Elle a dit pas non, au moins. Non, elle dit pas non. Le nerd de 28 ans a marié son oreiller cette semaine. Il a marié son oreiller cette semaine lors d'une cérémonie spéciale après lui avoir mis une robe de mariée pour le service devant le prêtre. Ça bat pas celui qui s'était marié avec le personnage de jeu vidéo. Non, cas. Effectivement. C'est non. Je sais pas, moi. Là, au moins, ben oui, parce que c'est un oreiller. Là, au moins, il existe là. Mais je pense que le gars qui l'avait marié, son personnage de jeu vidéo, c'était comme... À demi-blague, lui, vraiment... Lui, tu penses que c'est la passion. Ah, lui, c'est la passion, on va trouver une manière de te greffer un utérus, puis on va faire des enfants. On va faire des enfants, si possible. Oh, belle preuve d'amour. Mi-japonais, mi-oreiller. Mi-homme, mi-oreiller, Piloman. Bientôt sur vos écrus. Aïe, aïe. Ben, merci beaucoup, Bruno. As-tu fait le tour de ton histoire, toi? Ouais, moi j'ai fait le tour, moi. Aïe, ça veut dire que pour une fois, Israël, c'est toi qui vas rester, puis qui va parler pendant que tous les autres, ils rappent. Tu vas sortir ta petite lettre. Bon. Là, on va dire merci à tout le monde. Je vais repartir le film ici. Puis après ça, le film va être en background jusqu'à la fin de l'émission. Et voilà, t'as tout compris. Étienne Forêt, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été génial. Andy Jacques, toi, je te dois plein de merci encore. Voilà, il fait des bruits avec sa tête. On a Bruno. Ouais. On va reparler de la tournée encore. J'espère que ça a bien été de ton bord. Ouais. J'espère que tes affaires vont bien aller. Bruno. Israël, merci beaucoup. Ben oui. Je te dirais que j'ai jamais autant souvent vu ta graine que dans ces derniers jours. Oh, je me suis fait des images au ralenti pendant que tu sautais sur le lit. tu vas y passer pendant tes beaux jours, ma chère. Il était tout nu quand il sautait sur le lit. Tu vas se poser des questions. OK. Evelyne Potvin-Cloutier, cette belle... Ah oui? Personnalité. Des belles idées. C'est Tommy Godette au micro. Je vous laisse avec Israël. On s'en va écouter The Lift. Puis là, après ça, ben, ça va faire les films d'horreur gluants parce qu'on en aura mis pas mal d'un bout. Là. Je vais vous donner un lift jusque-là. Parfait. Et voilà la prochaine lettre qui est très intéressante pour terminer l'émission. Salut Zaza. Comment you feel? Moi, bien, je suis dans mon cours d'art plate, puis c'est plate. Il faut que je fasse un dessin pour le concours des jardins. Trouves-tu que Phil et Annie font un beau couple? Moi, oui. Excuse pour mon écriture, mais je me grouille pour pas que le prof me pogne. Puis j'ai pas le bon crayon. Bon, je l'ai aiguisé, mais d'habitude, je prends un stylo pour le 6-pack d'antigel. Achète-toi-en un. Ça serait peut-être utile dans ton cas. Joke. Bon, je vais te laisser. See you, ta friend, Nick. Extra, extra, extra, sans intention sexuelle. Récrou-moi, vite, vite, vite. Bye. Bye. Elle est fantastique, je vous assure. D'un côté, vous verrez un splendide jardin, et de l'autre côté, vous... votre mère verra les reflets bleus de la Méditerranée. Mais nous en avons déjà parlé mille fois, monsieur. Il faut vous décider maintenant, c'est un de mes derniers appartements. Oui, sans doute, mais vous comprenez que c'est une dépense énorme. Que vous et votre mère n'êtes pas prêts de regretter, croyez-moi. Oui, c'est une surprise pour ma mère. De taille. Oh, la pauvre malheureuse est cloîtrée à la maison, dans sa chaise roulante. Mm-hmm. Et si vous lui faisiez la surprise aujourd'hui, monsieur Vink, il n'y a plus que le contrat de vente à signer. Vous voulez mon stylo? Non, merci, je suis habitué au mien. Alors, signez en bas, ici. Merci. Une autre signature au bas de cette page. Une autre signature? C'est pour notre administration. Oh. Je suis convaincu que vous profiterez pleinement des avantages et des joies de cet appartement tout le reste de votre vie. Vous pouvez aller jusqu'à l'ascenseur? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. Faites mes amitiés à votre mère. Merci, je n'y manquerai pas. Monsieur Vink. Votre stylo est resté sur mon bureau. Oh, je suis impardonnable. C'est un souvenir auquel je tiens énormément et je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Merci mille fois. De rien. Au revoir, Monsieur Vink. Au revoir. Qu'est-ce que tu me disais? Moi? J'ai rien dit du tout. Ah ben, j'entends des voix, alors. Bon, il est 3 heures, dans 2 heures on se rentre. Tu veux un petit verre? Un petit verre de quoi? Si je te dévoile un secret, je peux te faire confiance? Ça, c'est mon meilleur ami quand j'ai fini ma journée. Non, non, merci, je bois pas. Ah, ils auraient dû me le dire que j'allais bosser avec un anti-alcoolique. Ah, il te casse pas la tête, je trinquerai tout seul. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes loisirs? Tu cours après les filles? Je suis fiancé. Fiancé, puis quoi encore? Si. si, on va se marier dans un mois. Non, mais tu dérailles. T'as pas trouvé autre chose à faire de plus drôle? Quand j'étais marin, moi, j'avais une fille différente qui m'attendait dans chaque port. Je l'emmenais à la trique et je te garantis que je ne me privais pas. L'emmerdement, c'est que la pénicilline ne me fait plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. T'es nerveux, c'est normal. Je le serais sans doute aussi si je savais que je me marie dans un mois. J'ai entendu quelque chose. Des rats. Une fois, ils ont trouvé des cadavres de rats crevés plein les ascenseurs. Ils s'étaient affolés pour quelques rats. Si t'es amateur d'émotions fortes, t'aurais dû faire un autre métier. Regarde l'ascenseur. Hein? Il y a du monde dans l'immeuble, l'ascenseur monte. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on monte. Hein? On est sûr de le piéger. Il est au 10e.